Bonjour. Ce matin, je suis allé laisser un commentaire sur une autre chaîne, puis ces temps-ci, je prends même plus le temps, là, de répondre aux commentaires. Puis ça va être une journée, puis une semaine chargée. Mais ce matin, vers 5 h du matin, j'ai écouté la dernière vidéo de Vidéo Randia, là, de Monsieur Glenn. Puis j'ai laissé un commentaire. J'ai laissé un commentaire. Puis je suis quand même assez surpris de ça. Il commençait à y avoir des. Mais il est enlevé. Il est enlevé. Puis je considère que. C'est-à-dire que je dois me connecter pour le voir. Je viens de voir ça, là. Mais je considère quand même que ça a une certaine importance. Puis je suis très, très sincère dans ce que je dis. Puis j'ai aussi une raison que ça soit archivé. C'est-à-dire que c'est une façon d'affirmer le fait que je consens pas à certaines choses, puis que je plierai jamais. Je plierai jamais. Donc, étant donné que le commentaire est plus disponible, je vais vous le lire, tout simplement. Puis vous verrez que c'était quand même, somme toute, assez correct, là, mais bon, en tout cas, je fais mon gros possible. Donc, ça allait comme suit. Bonjour, Monsieur Glenn. Votre émission passe trop tard pour moi, donc j'ai écouté à 5 h ce matin. Je sais que vous et votre gang, vous êtes un peu actifs la nuit, surtout après la diffusion sur le forum et suivant la diffusion de vos compléments, etc. Énergie en cause, entre guillemets, comme vous dites. Heureusement que je n'ai pas écouté hier. Entendre parler de Jacques Languirand avant de me coucher, ça ne me tente pas. Par quatre chemins, dépuceleur de sa fille ayant fini ses jours dans la démence, comme ce sera le destin d'autres lucifériens, entre parenthèses, possiblement. Il avait les mêmes sourcils que Michael Aquino, phénomène qu'on voit aussi au niveau de certains magiciens taoïstes qui. Comment vous dites ça donc? Le S du serpent qui est venu nous donner l'intelligence. Il a dit ça, là. Comment ça se fait que plusieurs rabbins pensent que l'arbre séphirotique vient des Babyloniens et non d'Abraham? Aussi, vous ne parlez pas de la fameuse porte 11, date, souvent représentée par les Luciferiens par le doigt initiatique du secret sur la bouche fermée. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est la version grand public pour tous. J'oubliais que l'ésotérisme, c'est de l'élitisme social au fond. Il y a quelque chose d'une propagande subtile, plus ou moins entre parenthèses, pour un gouvernement mondial dans vos affaires souvent. Nous avons été prévenus qu'il y avait une guerre dans le ciel, entre parenthèses, qui se cristalliserait ici sur Terre. Que des anges déchus apporteraient une science, science entre parenthèses, pour nous séduire. La jument ailée, dont parle une certaine dame, un peu une récupération de Pégase, et la licorne aussi ne sont-elles pas des symboles de la lumière de Lucifer dans certains groupes? Comme ça, vos amis ne veulent pas que vous vendiez votre maison. Ils vous veulent au pied des montagnes. Franchement, Monsieur Glenn, votre belle chevelure de chanteur folk de l'âge d'or du LSD additionnée d'une barbe fournie n'est pas sans rappeler un côté druidique. Glenn, c'est d'origine irlandaise, non? Ah. Comme la voix du sang est puissante souvent, la mémoire. J'ai encore le défaut de la curiosité, donc je surveille. Bien hâte de voir jusqu'où ça va aller. Bonne semaine. Puis par rapport à l'Irlande, il y a un personnage qu'on appelle Saint Patrick, qui est devenu le saint patron des Irlandais. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a chassé les serpents. Il a chassé les serpents. Malheureusement, ils sont allés partout. Partout, partout. Des serpents partout. Personnellement, ce que je dis, Je l'assume totalement. Puis ce que j'ai écrit, je l'assume totalement. Puis c'est avec une certaine autorité, en ce qui me concerne en tout cas, que je vous dis que non. Non, non, non, non, non. Jamais, jamais, jamais. Puis je changerai pas d'idée. À un moment donné, mais il reste que on nous prend pour des valises. Vraiment, on nous prend pour des valises par des valises. Il faut être des valises pour prendre les autres pour des valises. Puis des affaires comme les phénomènes ufologiques, puis il y en a même qui vont avoir la capacité d'assumer puis de dire non, qui en ont vécu aussi. À un moment donné, là, c'est une question de se tenir debout aussi. Puis dire « je vois ». Puis de dire non. C'est pas si compliqué que ça. D'avoir un petit peu de courage aussi. Parce que là, quand ça fait pas, c'est sûr que j'ai pas été si insultant que ça, là. Peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu. Mais à un moment donné, là, Chris, là, cause m'affirmer, M. Glenn, qu'il a jamais fait ça, lui, des trips sur les LSD, puis qu'il était pas dans la vague, dans le temps, puis on le sait où ça mène, on sait d'où ça vient. En tout cas. Hein? Rappelez-vous Charles Manson, qui a toujours dit à quel point Dieu est tout, puis qu'il aime tout le monde, lui, là, il aimait tout le monde. Hein? Oui. Hein? Des hosties de brainwashers de la CIA, tant qu'à moi. Comme l'autre, là, Théodore Kaczynski, puis et compagnie, puis tout ce beau monde-là, qui ont participé à des programmes de ci, puis de ça. Ben, faut pas oublier qu'il y en a au Québec aussi. Bonne journée.